have to be made into. Attach the chemical biological weapon. Okay, what's the Metal Intelligence Center? Électro libre de frais pour une petite playlist vite fait, sélection breakcore. On commence avec Hypnoscule de la compile Panique Mécanique. Le morceau s'appelle The Secret Part 3. On va continuer avec un morceau de Enduser. Et le morceau s'appelle Switch de la compile Pushing Back. We'll be right back. et voilà. Toujours sur Électron Libre. Un morceau de Noise Creator. Toujours sur Electrolib, c'est Xian qui a fait ce morceau. C'est une compile qui vient de sortir, Breakcore Show. D'ailleurs, il y a deux soirées, une à Lyon, une à Paris, le 20 et le 21 septembre. À se renseigner d'urgence pour les amateurs de breakcore sur breakcore.free.fr. Destroys the sex drive and makes most people too obnoxious to bear. It's illegal, and as you know, you can buy. Et on continue avec un morceau de bon gras. This is a chemical variant. It increases attention, energy, cognitive powers, yet the smooth, opiate-like surface. It's completely legal. And I'm the only one who knows how to make it. How much can you make it for? $5 million. I'm not going to do that. Bon, voilà. Alors, c'était encore le breakcore show, la compilation. Et là, c'était un peu violent, donc on va commencer un peu à se recalmer quand même. Il est quelle heure ? 1h30 du matin, l'émission Electron Libre. On va continuer avec un petit morceau bon gras. C'est Suicide Speed Machine Girl remix de Parasite Remix. Girl, un remix de Parasite sur un morceau de Bon Gras. On va enchaîner avec un morceau de Parasite justement, qui s'appelle Tiger, sur une compilation The Flood. Yeah. Et on vient de s'écouter un morceau de Noise Creator sur un album compile, parce qu'il y a un CD album de Noise Creator et une compile Suburban Trash sur l'autre CD. On va continuer avec un morceau de My Ambulance Is On Fire sur la compile The Flood. We'll be right back. Et voilà, on vient de s'écouter la compile The Flood, Big Johan with My Ambulance is on Fire, production Deathsucker Records. Et on repart avec un morceau de Enduser. Donc Enduser sur l'album Pushing Back. Le morceau s'appelait Pushing Back. On va continuer avec un morceau de Duran qui s'appelle Only the Emperor Can Drink Your Essence. You're C'était un morceau de Duran Duran Duran à ne pas mettre entre toutes les mains. Moi je l'ai vu en fait, c'est impressionnant le live, il saute partout le gars, c'est un américain qui fait des bonds dans tous les sens, avec des machines dans tous les sens, avec de la disto et à voir, voilà, pour les amateurs, à voir. On va continuer avec un morceau toujours sur la même compile où il y avait donc ce Duran Duran Duran, un morceau de Jason Forrest qui s'appelle Respect the Cock, et le label, enfin la compile s'appelle White Cock, et vous pouvez la trouver sur cockwalkdisco.com. on va arrêter ça de suite. J'aime pas du tout, en vérité, je vous ai mis un morceau, je l'aime pas. C'était phrase basse, c'est Negative Network. Là, par contre, je vous mets un truc, j'aime énormément. Voilà, c'était un morceau de Jazod Forest alias Donna Summer. Et donc, on va continuer avec un avant-dernier morceau de Sick Boy. Yeah. Juste après un morceau de Sick Boy, on va terminer gentiment, vraiment gentiment, avec un morceau de Sincère Trade. Je sais pas si c'est le nom du la compile comme ça ou si c'est le nom de l'album. En tout cas, c'est canadien et c'est bien planant. Et le morceau s'appelle Rounder. Se termine avec ces morceaux donc que nous a fait découvrir De Frey, et on se retrouve dans 15 jours le 28 septembre, toujours vendredi, même heure, 21h-2h, avec encore des invités et donc pas mal de musique à découvrir. Sur vos ordres. électronique.